des théories, tout est il relatif en 2001, les droits de participation, et bien sûr, à Dame Kitab, évidemment, il en a publié d'autres en arabe et en français. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons, que vous allez débattre avec nous, et que M. Ali Mahmoud aura, bien sûr, le plaisir de nous donner son savoir, parce que être philosophe, il y a longtemps que je n'ai pas entendu ici au Maroc. Alors, pourquoi lire les philosophes arabes? Alors, c'est Ali Mahmoud, bonsoir. Alors, je vais parler d'abord, on va essayer de parler un peu du Festival des Musiques Sacrées, puisque cette année, il a été placé sous le thème Femme fondatrice, j'y étais. Et on a parlé de Fatima Jeria, on a parlé de Gatoum, on a parlé des grandes dames de l'histoire. On a parlé des grandes dames de l'histoire et des grandes femmes de l'histoire fondatrice. Notamment Fatima Jeria. Alors, il n'y a qu'avec des femmes, j'aurais voulu que vous soyez là pour rectifier certaines choses. On n'a parlé que de Fatima Jeria, par exemple, on n'a pas parlé de lorsque Fatima Jeria est sortie de Qayrawan, c'est-à-dire quand elle est sortie de Philippines, et qu'elle est arrivée à Fès. À la mort de son père Abdullah, elle avait une sœur, Maryam. On a parlé plus de Fatima Jeria et on a oublié Maryam. Alors, je voudrais que vous ressentiez la table comme ça pour commencer avant de parler de pourquoi lire les philosophes arabes. Bien, vous me prenez par les sentiments. Il se trouve qu'effectivement, Fès est une ville où je suis né, où j'ai gardé un très grand, pour laquelle j'ai un très très grand attachement. Il se trouve que l'an dernier, je m'étais occupé du forum. Dont l'intitulé était « L'Afrique au miroir de Fès ». Et c'était une rencontre importante pour rétablir une des routes du savoir qui a été souvent négligée. On parle souvent du savoir entre Athènes, Jérusalem, Rome, Paris, Cordoue. On oublie la route du savoir qui était entre Grenade, Fès, Tombouctou, Tlemcen. Ces quatre villes ont été véritablement au carrefour d'une circulation du savoir, notamment entre le 14e et le 19e siècle. Les choses ont été activées par les problèmes qu'a eu le Mali en 2013, si vous vous souvenez, puisqu'il y avait des manuscrits qui étaient en danger. Et à cette occasion, on s'est rendu compte combien c'était une grande ville du savoir. Cette année, Fès était autour des femmes fondatrices, je n'y étais pas. Vous voulez que je dise un mot d'un festival où je n'étais pas, c'est un peu difficile. Mais vous avez rappelé les deux grandes figures féminines qui ont construit les mosquées Al-Qarawiyyin et Al-Andalus, les deux sœurs. Comment se fait-il que l'une a plus d'aura que l'autre? Alors, justement, c'est ce que je travaillais pas plus tard que cet après-midi avec les étudiantes de Virginia University. J'aimerais que vous les saluiez. Elles sont là. Et elles ont fait tout le voyage pour apprendre le français auprès des collègues de l'Université Mohammed V et également auprès de moi. Et on parlait des contingences chez Ibn Khaldoun. Eh bien, effectivement, les contingences font que, parfois, il y a des gens qui sont mis en lumière et pas d'autres. Il y a des cultures qui sont mises en lumière et pas d'autres. Et précisément, ce qu'on a appelé longtemps le miracle grec, c'est tout simplement des contingences qui ont fait qu'à un moment, un calife al-Ma'moun, en 833, en fondant Beit al-Hikmah, la maison de la sagesse, a mis en route les traductions et avec beaucoup d'argent, comme le dit Ibn Khaldoun, et c'est une pure contingence qu'on ait nourri un savoir grec dans le monde arabe et non pas le savoir des Perses, et non pas le savoir des Chinois, et non pas le savoir des Indiens qui étaient présents à plus faible degré. Donc, si vous voulez, les personnes peuvent ne pas être mises en lumière, mais les cultures tout aussi bien. Alors, allez, Ibn Khaldoun, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi lire les philosophes arabes? Il faut avoir une connaissance très profonde de l'histoire de l'Andalousie, évidemment, parce que d'abord, c'est passé d'abord par les qui votent, on le sait, ça va même plus loin. Beaucoup de gens se trompent, en passant d'abord par les almohades, les almohabides et ainsi de suite. Non, cela va plus loin dans l'histoire. C'est quand même 800 ans d'histoire. Alors, pourquoi lire les philosophes arabes? Est-ce que c'est pour mieux comprendre les philosophes grecs? Merci de votre question. Il se trouve que ce livre, je l'ai écrit après avoir enseigné ces questions pendant très très longtemps. Vous avez mentionné l'université de Nanterre, mais c'était au siècle dernier. Aujourd'hui, je suis à l'université de Paris-Est-Créteil. Et depuis, effectivement, la fin du XXe siècle, depuis 20 ans, j'ai cherché à faire, pour une des parties de mes spécialités, à faire une philosophie comparée. Et donc, c'était Platon et Aristote lus par les philosophes arabes. Et en faisant cette philosophie comparée, je me suis rendu compte, et ça a été l'élément déclencheur pour ce livre que vous mentionnez, qui est apparu chez Albin Michel en février 2015, l'élément déclencheur, c'est que je me suis rendu compte que, effectivement, du 7e au 15e siècle, il y a eu une spéculation extraordinaire, un travail des textes extraordinaires, et de traduction, et de commentaires, et d'agencement, et d'innovation. Et ces 8 siècles, du 8e au 15e siècle, ces 8 siècles ont tellement nourri la Renaissance européenne que je parle à leur sujet d'une anonymisation de ce savoir-là. C'est-à-dire que quand vous êtes, comme ça a été mon cas, quand vous avez fait vos études, que ce soit à Paris ou à Heidelberg, où j'étais souvent au Royaume-Uni tout aussi bien, eh bien, on vous parle de Platon, Aristote, et puis on va tout de suite à Saint Thomas et Descartes. Et donc, il y a tout un... toute une partie qui est restée comme ça à l'écart. Alors je me suis demandé pourquoi cette philosophie très très importante, multiséculaire, n'a pas été inscrite dans la transmission du patrimoine commun de la philosophie qui, bien évidemment, devrait comporter cette philosophie aussi. Pourquoi elle a été occultée. Alors, avant de penser qu'elle a été occultée, j'ai d'abord vu qu'elle a été anonymisée, c'est-à-dire que ce soit Montaigne, Descartes, Spinoza, ils en font tous usage sans les mentionner. Et parfois, la réussite d'une philosophie, c'est d'être complètement absorbée par une autre philosophie jusqu'à ne plus la mentionner. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la philosophie, le stoïcisme, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ, c'est quand même 6 siècles de stoïcisme. Par la suite, plus personne ne mentionne les stoïciens, mais leurs distinctions sont complètement le miel des philosophes. La philosophie arabe, elle a eu ce même parcours d'abord d'anonymisation. Mais cela, à la limite, c'est pas bien grave, parce que vous savez, l'abeille, quand elle fait son miel, vous ne voyez plus que c'était à la base de la marjolaine ou du thym. Donc il y a quelque chose qui est transformé. Ce qui est plus grave, c'est de dire que non seulement elle a été anonymisée, mais elle a été occultée. Et l'occultation est très récente. L'occultation date du 19e siècle, avec Ernest Renan notamment. J'en parle au début de l'ouvrage. Ernest Renan a écrit un ouvrage intitulé « Averroès et l'avéroïsme ». Et dans cet ouvrage, il dit tout simplement, pour répondre à votre question, est-ce que c'est pour mieux parler des Grecs, il dit la philosophie arabe est une pâle imitation de la philosophie grecque. C'est-à-dire, il vaut mieux revenir à l'original, c'est une pâle imitation de la philosophie grecque. Et nous n'avons, il a dit, rien à apprendre des philosophes arabes. Si on veut y trouver quelque originalité, il faut regarder du côté de leur secte religieuse. Mais en philosophie, c'est de la pensée pâle des Grecs. Alors là, effectivement, je disais que c'était un petit peu difficile d'accepter cette occultation, parce que malheureusement, de l'avoir dit, c'est déjà grave, mais ça a donné toute une impulsion pour la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, pour finalement accrédité l'idée que les philosophes arabes n'étaient que des transmetteurs de la philosophie grecque, n'étaient qu'un relais historique de la philosophie grecque. Or, j'ai voulu précisément indiquer qu'ils n'étaient pas un simple relais, mais qu'ils avaient, dans cette pratique qui était du tafsir, du talhri, du murtasar, c'est-à-dire du grand commentaire, du commentaire moyen et du compendium, du résumé, murtasar, eh bien, ils avaient développé tout un cursus d'études et toute une innovation. On pourra parler de leur apport dans le détail spécifique innovant, qui était très important à restituer. Et donc, mon livre est un dialogue critique avec cette occultation du 19e siècle qui correspondait aussi avec tout le moment de la colonisation, etc. Aujourd'hui, fort heureusement, nous disposons de beaucoup d'archives, nous disposons de beaucoup de traductions pour mettre à jour, tout simplement, l'apport important de cette philosophie précisément dite arabe. Je précise arabe, pourquoi ? Simplement une philosophie écrite en langue arabe. Avicenne était persan, Al-Farabi était dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui turc. Eh bien, tous parlaient arabe parce que l'arabe était, dans ces moments-là, et surtout entre le 9e et le 14e siècle, jusqu'au 15e siècle, jusqu'en 1453, la prise de Constantinople par les Turcs, eh bien, l'arabe était tout simplement la langue véhicule de la connaissance, comme le français a pu l'être au 18e siècle. Vous pourriez être Catherine de Russie, vous pourriez être Frédéric de Prusse, tout le monde parlait français. Eh bien là, c'est pareil, que vous soyez persan, que vous soyez turc, que vous soyez berbère ou andalou, vous parlez arabe, parce que l'arabe est la langue précisément de la Corse. On le sait, il ne lisait pas le grec. Et quand je suis qu'un novice, puisque je n'ai pas encore lu votre livre, et ce serait une insulte à votre intelligence que de dire que je l'ai lu, comment se fait-il qu'il y ait pu y avoir un pont et comment il pouvait y avoir, comment ne pouvait-il pas y avoir cette double vérité ou une vérité commune entre ces quatre personnages, les Grecs et Averroès, Avicenne et Farabi? Oui, alors c'est un enjeu très très important. Les philosophes arabes eux-mêmes n'étaient pas des traducteurs, c'était des commentateurs, des connaisseurs des textes, mais qui étaient déjà traduits. Simplement, figurez-vous que votre question a soulevé beaucoup de débats dans l'histoire de ces textes-là, parce qu'en réalité, la philosophie grecque s'est d'abord traduite en une langue qui était une langue de la liturgie chrétienne, d'abord chrétienne, qui était le syriaque. Le syriaque a été la première langue d'arrivée du grec. Et les syriaques avaient une connaissance absolument ample de la période grecque, la période à la fois classique, Platon-Aristote, mais la période aussi que l'on dit hellénistique, c'est-à-dire qui se prolonge jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ, comprenant justement le philosophe Plotin, sur lequel mes étudiantes américaines m'ont posé des questions pas plus tard. Donc, de Platon à Plotin, on a toute une période très connue des Syriacs. Et c'est l'occasion de dire, dans ce monde arabo-musulman, qu'il y a des continuités qu'on ne voit pas. Et les continuités, c'est que cette religion historique, l'islam, qui est arrivée au 7e siècle, elle n'est pas arrivée dans une rupture. Et il n'y a pas cette expression fâcheuse de la jahiliya. Les gens n'étaient pas dans l'ignorance. Il y avait déjà beaucoup de savoir. Et ce savoir était distribué entre Athènes et Alexandrie au niveau de la philosophie. Et c'est les travaux, les commentaires sur la philosophie grecque était déjà fait par des Grecs et par des Syriacs. Et c'est tout naturellement que ces Syriacs qui connaissaient le grec, le syriaque et l'arabe ont traduit donc du grec vers le syriaque, puis du syriaque vers l'arabe. Alors on peut poser la question qui est la vôtre, comment se fait-il qu'une double traduction ait pu donner quand même en même temps une fidélité au texte? Alors figurez-vous il y a véritablement des réponses là-dessus, parce qu'il y avait des méthodes de traduction qui étaient des traductions qui collaient complètement aux mots. Des traductions qui n'étaient pas idiomatiques, des traductions qui n'étaient pas des transpositions. Et du fait qu'ils collaient complètement aux mots, on a un Aristote qui est au plus près, si vous voulez, l'Aristote arabe est au plus près du grec, parce que la traduction, paradoxalement, a sauvé tous ces textes-là. Et vous le savez, la découverte des manuscrits d'Aristote, les manuscrits grecs est très tardive, elle date à partir du 19e siècle, la découverte des copies, eh bien, elle se fait en même temps que, finalement, qu'on compare ces versions-là avec les versions dont disposaient les bibliothèques arabes. Alors, ils avaient fidèlement des traductions et ils ont commenté ces traductions. Et certains disent, oui, mais ces traductions ont donné lieu à des contresens. Je vais vous donner un exemple. Vous le savez, Cordoue, au XIIe siècle, Ibn Rushd, Averroès, il lit la poétique d'Aristote traduite par Abou-Bichr Shemata. Il lit un texte en arabe qui est la poétique d'Aristote. Il se trouve que Aristote parle du théâtre, Aristote parle de Sophocle, Aristote parle de Œdipe roi, la tragédie d'Œdipe roi. Rien dans Cordoue du XIIe siècle n'évoque le théâtre. Rien dans Cordoue du XIIe siècle n'évoque quelque chose comme la figure d'Œdipe roi. Donc comment va-t-on traduire et comment va-t-on adapter? Je rappelle, ou je le dis plutôt parce que je ne l'ai pas encore dit, qu'à chaque fois que Ibn Rushd commentait Aristote, il disait, je le commente, li ehli zamanina, c'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois adapter aux gens de l'époque. Et donc, il lit ce mot tragédie, ce mot comédie, et ça ne parle pas à quelqu'un qui est à Cordoue au XIIe siècle. Mais il lit les définitions dans Aristote, dans la poétique. Et la tragédie, il lit que Aristote dit explicitement, c'est représenter les gens meilleurs qu'ils ne sont. Et Aristote dit la tragédie est le contraire de la comédie. Donc la comédie, c'est représenter les gens qui ne sont pas bien, en quelque sorte. Et à partir de là, il fait une transposition. Borges a dit, Averroès a fait un contresens. Non. La transposition, c'est quoi? C'est que si la tragédie et représenter les gens mieux, meilleurs qu'ils ne sont, eh bien, c'est le maître. Le maître, la tragédie, c'est le maître. Donc, vous allez dire, quel contresens énorme. C'est des poèmes panégyriques où on fait le maître de quelqu'un. Et la comédie, ici, c'est le contraire de la tragédie, c'est le Niger, et donc le drame. Et donc, il fait tout le commentaire de la poétique à travers le maître et le Niger, qui sont la tragédie et la comédie. Et je ne dirais pas, moi, que c'est un contresens. Borges reprend la thèse de Renan, qui dit que Averroès est complètement fourvoyé. Non, il a totalement adapté en collant complètement au texte, parce que Aristote dit que la tragédie, c'est représenter les gens meilleurs qu'ils ne sont, ce sont des nobles, etc. Et ce qu'on oublie, qui est très important dans une tragédie grecque, c'est que le malheur échoue à quelqu'un sans qu'il l'ait mérité. Œdipe n'a rien fait de mal, il lui échoue un immense malheur. Sa sœur, sa mère, sa fille, etc. Et donc, le ressort du tragique, c'est que un mal vous advienne et que vous ne l'avez pas mérité. Et ça, Averroès le restitue très bien. Il dit, oui, ça me parle, moi, qui n'a pas lu Œdipe roi, qui connaît très très bien le texte sacré. Et dans le texte sacré, le Coran, il y a des figures tragiques qui ont des malheurs qu'ils n'ont pas mérités. Et à la place de Œdipe, il cite Joseph, martyrisé par ses frères. Voilà la figure du tragique. Il cite donc Sola Fioseux. Il cite également Abraham devant sacrifier son fils, tragédie. Il n'a rien fait pour mériter cela. Ouais. Et donc, ces situations tragiques, il les a totalement restituées. Et en les restituant, il a en même temps été chercher Dans tous les passages où la poétique d'Aristote mentionne les poètes grecs, lui mentionne les poètes comme Al-Mutanabbi, Abu Tamam, etc. Et donc il fait une transposition. Pour moi, c'est ça l'acte innovant, c'est qu'il a commenté en s'adressant aux personnes, parce que quand même 15 siècles, c'est pas Aristote Averroès, 15 siècles, 3e siècle avant Jésus-Christ, 12e siècle après. Et donc, véritablement, c'est la pensée aristotélicienne telle qu'elle peut être restituée 15 siècles après, avec un souci de El Zamanina ou à l'Oratina. Alors, comment ont-ils fait, par exemple, Averroès comme Al-Farabi, ont-ils fait abstraction de la religion pour expliquer, par exemple, certaines choses comme le droit de gouvernance, comme énormément de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait faire abstraction de tout, comme Ibn Khaldoun, comme des gens qui ont expliqué. Comment on peut expliquer cela? Je comprends. Alors, ils n'ont pas fait abstraction. Non, ils n'ont pas fait abstraction. Oui, oui. Il fallait l'expliquer. Bien sûr, il fallait expliquer. La grande question qu'on travaille pour, eh bien, la grande question, c'est comment arrive la philosophie dans un contexte qui a d'abord vu naître une religion. C'est ça la grande difficulté. C'est que vous avez d'abord une religion massivement distribuée qui est très structurée symboliquement au niveau des études, parce qu'il y a l'exégèse du texte coranique, Tafsir, il y a l'exégèse de Osul Fiqh, la grammaire, un Nahw Sibawayh. Donc vous avez déjà une structuration de la connaissance. Et comment, sur la base de cette structuration de la connaissance qui n'est pas religieuse, mais d'inspiration religieuse, je sépare toujours les choses, tout n'est pas contenu dans le Coran ni dans les dits prophétiques, ce sont des osols, ce sont des sources, et on fait de la réflexion, de la cogitation à partir des sources. Je distingue toujours entre la source et le contenu. Et à partir de là, comment la philosophie, entre guillemets, païenne, arrive dans cet univers structuré par la religion. Alors ils avaient, donc ils ne vont pas faire abstraction, ils vont dire, mais précisément, tout ce qui est inscrit dans les textes sacrés appelle à la recherche de connaissances telle qu'elle a été déjà développée par d'autres peuples. Pourquoi? Parce que la loi divine, Ash-Sharia, dans Fasl Maqal de Ibn Rushd, la loi divine, ce n'est pas une norme juridique, ce n'est pas un code juridique. La Sharia, c'est la loi de la connaissance. Ya Ulul Absar, vous qui êtes doués de clairvoyance, réfléchissez. N'ont-ils point examiné les chameaux et le ciel, comment il a été élevé? Regardez le monde autour de vous. Et donc la Sharia va être recommandée, va être quelque chose qui va recommander l'étude de la philosophie. Et comme le mot « falsafa » était un mot barbare, venu d'ailleurs, on ne va pas dire « falsafa ». On va utiliser stratégiquement un autre mot pour la faire accepter, et on va labelliser la philosophie « sagesse »,« chikma ». Et donc, « fasl maqam fil ittisal ma bayna al-chikma wa al-sharia », c'est le titre d'Averroès. Et donc, la connexion, l'harmonisation se fait non pas entre philosophie et révélation, entre raison et foi. Raison et foi, croyez-moi, je vous assure, c'est des crampes mentales. Débarrassez-vous. Et j'ai la raison. Oui, mais la foi. Oui, mais j'ai la raison. Non, c'est une dualité qui ne marche pas. Il y a une normativité religieuse, Sharia, une voie qui n'est pas une loi, qui est en même temps une sagesse. Le livre et la sagesse. Et donc, comment cette sagesse qui est présente dans le texte religieux va être prélevée pour la labelliser philosophie et dire ce que Averroès, Aristote, Platon ont pratiqué en termes de philosophie, nous l'appelons chikma. Et c'est comme ça que la philosophie a été, en quelque sorte, introduite dans le monde musulman, sous le label de l'achisme. Aujourd'hui, je vous dis philosophie, sagesse, on a l'impression que c'est deux mots qui sont interchangeables. Non, la sagesse était un terme stratégique pour faire entrer la falsafa. Et dans l'ouvrage d'Averroès, vous avez dans le titre « Al-Hikma » et dès le premier paragraphe, vous avez le mot de « falsafa » qui arrive à « falsafa » ou à « osso » ou à « ulum al-mantek ». C'est tout de suite dès le premier paragraphe. Et donc, c'est par la logique que cette philosophie va être introduite. Et donc, ils n'ont pas fait abstraction de la religion, ils ont recontextualisé la philosophie dans ce que la religion elle-même présente comme la nécessaire recherche de la chikma selon la charia. Et donc, la philosophie est prise dans une recommandation divine. Aussi, cette idée qu'un peuple, un homme, seul ne peut pas de manière isolée, parvenir au savoir. Que la vérité est transhistorique, transversale, traverse les peuples, traverse les cultures. Il y a eu Platon, Aristote dans le monde grec, il y a maintenant nous, Al-Farabi, Avicenne, Averroès, tout ça c'est sur plusieurs siècles. Et donc finalement, la vérité se dépose chez les peuples à des moments différents, avec des styles différents. Il y a le triage, le syllogisme aristotélicien, il y a précisément maintenant des termes nouveaux qui apparaissent, loi divine, etc. Et même loi divine, dit Al-Farabi, puisque je parle beaucoup d'Averroès, vu que j'ai beaucoup écrit sur lui, mais Al-Farabi tout de même est très important. La loi divine, il y avait Al-Farabi, mais elle est présente chez Platon. Platon aussi parle de la loi de Zeus. Et quand il commente les lois de Platon, il commente la loi divine de Platon comme Sharia, parce qu'effectivement, c'est une Sharia. Sharia Averroès parle de Sharia Moussa, Sharia Rissa. Le mot Sharia n'est pas spécifique aux musulmans. C'est l'idée d'une loi divine, d'une normativité transcendante. Après, comment cette normativité est négociée historiquement par les hommes, ça, c'est précisément la manière dont elle se traduit par les hommes sous forme de considération juridique ou autre, mais elle-même, de prime abord, elle n'est pas juridique. Si vous prenez même le passage à la fin de Surat al-Baqara, prohibition de l'usure, riba, sur la reconnaissance des dettes, eh bien la reconnaissance des dettes, il est clairement dit, ça se passe entre les hommes. Dieu laisse les hommes écrire entre eux. Quand il dit « Waqtubu wa lakum shuhada » et vous prenez des témoins, vous avez emprunt, et c'est d'ailleurs l'emprunteur qui dit « Je reconnais ma dette » devant des témoins. Dieu se retire, Dieu n'est pas là-dedans. Vous, entre vous, écrivez. Et là, c'est un kitab, qui n'est pas un kitab sacré. Vous écrivez entre vous que vous avez des reconnaissances de dette. Et donc, quand on dit que le Dieu dans l'islam va dans le détail, non, il ouvre des voies dans ce que les hommes peuvent établir entre eux. Et la reconnaissance des dettes, c'est, vous relisez le passage, c'est un moment qui se passe entre les hommes, avec des chouhadeurs, avec des koutoubs, avec la dette, avec la mention des jours, avec un détail humain qui change avec le temps. Alors, on aurait pu même parler de ça, et puis des philosophes comme Montaigne qui disaient à un moment que philosopher est apprendre à mourir. Donc, il y avait quelque chose de beau dans ce sens. Et que, moi, je ne sais pas si j'ai compris, mais en tout cas, philosopher est apprendre à mourir, c'est-à-dire c'est apprendre à vivre dans le monde, mais aussi à accepter, mais c'est aussi apprendre à vivre. Oui. Alors là, vous me mettez dans une autre. On switch. On va chez Montaigne. Il est vrai que j'ai écrit un livre sur Montaigne et Montaigne m'a beaucoup intéressé. Vous savez, quand je l'ai écrit, mon éditeur m'a dit vous en faites un penseur soumis. Je dis bon, peut-être. Mais Montaigne. Pourquoi Montaigne, cette figure de la Renaissance? Alors, on va restituer un peu les choses pour faire la continuité avec l'ouvrage précédent. Cette philosophie, qu'est-ce qu'elle devient au moment de la Renaissance? Quand vous avez Montaigne, c'est quand même 1580, mais avant, un siècle avant, il y a quelqu'un qui est très très important dans la Renaissance, qui lance complètement la Renaissance, il s'appelle Pico della Mirandola en italien, et Pico della Mirandola est encore l'un des derniers à citer les philosophes arabes. Et il dit, La véritable figure de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intellectuel, c'est le philosophe arabe. Pourquoi? Parce qu'il vit sous l'égide de l'intellect. Le philosophe arabe est celui qui se met sous l'égide de l'intellect. Finalement, la définition de l'intellectuel, c'est quoi? C'est adopter l'intellect comme mode de vie, adopter l'intellect comme forme de vie. Et adopter l'intellect comme forme de vie, il rend hommage dans le livre célèbre, 1485, de la dignité humaine, de type de la Mirandole, il rend hommage à Farabi, Al-Kindi, Avicenne, Averroès, et c'est l'un des derniers textes, d'ailleurs c'est très émouvant, avec Dante, c'est très émouvant de voir cet hommage reconnu à ceux qui avaient dévolu leur vie à l'intellect, et puis après, c'est ce que j'ai appelé l'anonymisation. Avec Montaigne, on a déjà l'anonymisation, alors bon, apprendre à mourir. Montaigne disait que, en fait, c'est une expression qui reprend de Cicéron, philosophie, c'est apprendre à mourir. Il est très difficile de faire l'expérience de la mort. Quand la mort est là, je ne suis pas là. Quand je suis là, elle n'est pas là. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et pour pouvoir penser la mort, il faudrait être des deux côtés de la mort, des deux côtés d'une frontière. Personne n'est revenu pour dire comment ça se passe. Donc, on ne peut pas penser la mort. Ça, c'est déjà très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apprivoiser les approches de la mort. Et les approches de la mort, c'est quoi? C'est la figure de Socrate, condamné à voir la figure, et pendant 30 jours, il sait qu'il va mourir dans 30 jours. Il sait qu'il va mourir dans 30 jours, et dit Montaigne, « La khaufa alayhim wa la wizanu » Il n'a ni crainte ni affliction. Pendant 30 jours, Socrate sait qu'il va mourir et tout va bien. Et ça, c'est un apprentissage. Et quand on lui dit, le dernier souhait, Socrate, que voulez-vous? J'aimerais écouter un peu de lyre. Et quelqu'un lui dit, mais pourquoi, puisque tu vas mourir? Et il répond, pour le savoir avant de mourir. Le savoir jusqu'au bout. Le savoir jusqu'au bout, c'est ce qui permet complètement de neutraliser la crainte et l'affliction et ne pas avoir peur de la mort. Parce que la peur de la mort nous met dans les pires servitudes de la vie, nous rend complètement en servitude et même tolérant à l'égard des tyrans. Les tyrans ne prospèrent que sur la crainte qu'ont les individus de disparaître un peu. Et leur attitude par rapport au sacré, on parlera du Paris Pascal. Vous ne ménagez rien, je vois. Leur attitude desquelles C'est-à-dire par rapport quand ils étaient face à la mort, comme Socrate le dit, comme beaucoup de philosophes, et bien que Nietzsche se considérait toujours comme un athée, il y a toujours une croyance en quelque chose en tout cas, vous en avez énormément parlé. Énormément parlé de Nietzsche, et quelle a été leur attitude quand vous disiez, bon, j'ai envie d'écouter de la lyre, c'est aussi, j'ai envie d'être avec moi-même, peut-être, j'ai envie d'être. Non, je crois qu'il ne faut pas être avec soi-même. Non, je veux dire. Parce que si on se détache de l'idée de la personne, on n'a aucune maladie. Oui. Si on s'accroche à l'idée de sa personne, on a toutes les maladies. Donc, tous ces philosophes ont développé l'humilité cosmique. On fait sa tâche. Son œuvre, en pensant qu'on n'est pas important. Si on pense qu'on est important, eh bien, c'est le début de tous les problèmes. Parce qu'on commence à transformer les biens communs en biens concurrentiels, on commence à se mettre dans la rivalité, on se compare, pourquoi lui et pas moi, pourquoi moi, etc. Et donc, si je me sépare de l'idée de ma personne, pas de ma personne, je ne vais pas mourir tout de suite, quoi, je ne sais pas. Si je me sépare de l'idée de ma personne, j'écarte tous les conflits à même d'advenir. Et puisque maintenant on voyage dans plusieurs philosophes au-delà de ceux sur lesquels j'ai écrit, vous savez que Shakespeare disait « je vais vous enseigner les différences ». Et en fait, plus vous remarquez la différence dans les choses, plus le sentiment de votre petite personne s'arrête. Et quand on étend son moi, on ne voit plus les différences autour de soi. Et donc, c'est l'aveuglement et l'absence de connaissance. Connaître, c'est remarquer les différences dans les choses. On disait de Socrate qu'il reconnaissait aux œufs la différence entre les poules qui les avaient pondues. Alors, ça nous ramène à Pascal, le pari de Pascal, qui lui, n'a pas cherché midi à 14 heures, hein, il a dit voilà, je vais croire, et en tout cas, si je crois, et lorsque j'irai dans l'au-delà, il y a quelque chose, eh bien, je serai content, s'il n'y a rien, je serai content quand même. Oui, c'est vrai qu'on le présente comme ça. Mais enfin, bon, c'est une manière oui. Très terre à terre. Mais, comment dire croire, c'est dans cette vision même pascalienne, c'est tout sauf une opinion, tout sauf une idée, ce sont des gestes. Ce que disait Pascal, c'est que ceux qui disent, s'interrogent, est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, etc. En fait, il suffit qu'ils se mettent à prier, et la foi vient. Parce qu'en réalité, la foi suppose des attitudes. Et on a ça avec le soufisme. Le soufisme, les soufis, les mystiques, considèrent que la foi est dans les exercices spirituels. Dans les exercices spirituels de zikr, de tafakkur, de tadakkur, de samar. Et toutes ces pratiques quotidiennes, régulières, plusieurs fois par jour, font la foi. Et ça, c'est tout à fait pascalien. Et son pari, c'est par rapport, il ne dit pas aux gens croyez et vous allez voir, et ça va être mieux pour vous, mais mettez-vous à pratiquer et vous verrez combien la foi advient. Et ça, effectivement, ce caractère très behavioriste, très attitude, la croyance est une attitude. Voilà. Ce n'est pas une opinion, c'est une attitude. Alors, un jour, je crois qu'on vous a déjà posé cette question, vous avez prononcé une très belle phrase publiquement. Vous avez dit que c'est l'homme qui donne un caractère divin à la parole divine, qui est pour moi très pertinent. Pour certains, c'était impertinent de votre part. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a inspiré oui. à cette formule, à la formule. Alors, je ne dis pas exactement cela, parce que du coup, il faut être très attentif aux mots. Il y a un messager pour l'islam qui a reçu la parole divine. Un. Pas un autre. Un. Il s'appelle Mohammed. Et c'est un être humain. Il n'est pas transcendant. Il est comme tous les autres êtres humains. Il est né, il est mort, et l'islam nous reconnaît le caractère humain. Et quand je dis, c'est l'homme qui dit, la phrase que j'ai dit, c'est l'homme qui dit que la loi divine est divine, oui, puisque Dieu ne nous parle pas à nous, tout simplement. Dieu a parlé à un seul messager, mais nous ne sommes pas des messagers de Dieu. Donc je ne peux pas dire la loi divine comme venant de Dieu, sinon en disant, les hommes disent, et on nous a transmis via Mohammed, que lui a été messager de Dieu. D'ailleurs, Ibn Khaldun le dit très bien, Dieu choisit un messager. Je ne sais pas, moi, comment Dieu a choisi un messager. Le messager me dit qu'il a reçu la loi divine, mais je ne sais pas comment Dieu l'a choisi, lui. Donc, à partir de là, c'est l'homme qui dit que la loi divine est divine. Là, vous avez, si vous voulez poser quelques questions, c'est à l'invito, vous avez la parole, et voilà, il y a le micro, le baladeur, et puis on serait monsieur là. Je voudrais, si vous permettez, d'abord remercier Thierry Miclo pour son ouvrage, c'est magnifique. Et comme il peut s'en douter, surtout le chapitre concernant médecine et philosophie, qui a beaucoup attiré mon attention, et sur lequel je voudrais, si vous permettez, faire quelques remarques. J'aimerais votre avis. Une remarque, c'est en ce qui concerne, bien sûr, l'époque où les médecins tels qu'Averroès, Avicenne, Marasli, etc., pour parler de la physiologie, de l'anatomie, de la santé en général, de la nutrition de l'homme de cette époque. Bien sûr, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué depuis. Et en particulier, au XXIe siècle, nous sommes confrontés à des innovations techniques, technologiques telles qu'on se demande jusqu'où ça peut aller. Et c'est là où je voudrais justement avoir votre avis en tant que philosophe du XXIe siècle, et philosophe arabe. Quel est votre avis concernant ces innovations techniques, technologiques, ces manipulations génétiques, sur le plan à la fois philosophique, sur le plan moral, sur le plan bien sûr scientifique, et les impacts économiques que cela va entraîner? Voilà, donc c'était. C'est cette première remarque. Et par ailleurs, on a toujours parlé des sciences molles, entre guillemets, des sciences humaines, que vous connaissez mieux que moi, en opposition aux sciences, disons, telles que la médecine, etc. Mais ne serait-il pas tout à fait légitime d'introduire ces sciences humaines dans le cursus de formation des futurs médecins? On a l'impression que les médecins actuellement sont de plus en plus spécialisés, sont de plus en plus techniques, et malheureusement, tout le côté humain, humaniste, n'est pas enseigné. Je ne sais pas ce que j'en pense. Merci, bon, il y a beaucoup de volets dans votre question. Je réponds à chaque question, c'est ça? Ou on prend les questions et je réponds après? Qu'est-ce qui t'arrange? Non, je peux répondre au fur et à mesure. Je vais essayer d'être long pour ne pas faire une dissertation à chaque question, mais on ne va pas distribuer la parole également. Oui, alors il y a deux volets. Il y a bien sûr les médecins durant le Moyen-Âge et la médecine aujourd'hui, bien évidemment, cette médecine. Alors, moi, le mot évoluer me gêne parce que je suis dans les terminologies. L'évolution, pour moi, c'est qu'on mesure la cause productrice et le changement. Donc, je dirais simplement variation de la médecine, mais pas évolution. Parce que le mot évolution, je préfère le garder vraiment en un sens très technique. Je sais qu'il est utilisé de manière générale, mais moi, l'évolution, c'est l'évolution, génération et variation. Quelque chose engendre quelque chose d'autre et ça varie. On ne peut pas parler véritablement d'une génération à travers les siècles, de quelle idée a engendré une autre. En revanche, on voit les ruptures, les discontinuités, et on voit les variations. Donc les variations. Mais aujourd'hui, vous posez une question sur aujourd'hui, sur les médecins d'autrefois. Les médecins d'autrefois, bien évidemment, leurs conceptions ne sont pas les nôtres. Mais ce qui est intéressant pour un historien des sciences que je suis, parce que ma chaire à Paris-Est-Créteil, c'est pas du tout une chaire de philosophie arabe, j'y suis arrivé tout à fait par hasard, si je puis dire, il y a une vingtaine d'années, mais tous les postes que j'ai eus en France, c'est des postes en philosophie des sciences. Je suis logicien au départ, comme vous avez mentionné les ouvrages de Frege, Russell que j'ai pu lire. Donc j'occupe une chaire intitulée Philosophie du langage, des sciences et de la connaissance. Et j'étais beaucoup logicien, et je suis beaucoup dans les sciences de la vie et de la santé, parce que depuis 8 ans, j'appartiens au comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et on fait des avis pour l'Assemblée nationale, pour le président de la République. Donc, j'ai fait 8 ans que je travaille avec les médecins. Mais revenons au médiéval. Ce qui est intéressant chez les médiévaux, et je vous remercie de mentionner ce chapitre dans mon ouvrage qui va être développé, parce que là, je vais me lancer dans une étude sur 5 ans entre logique et médecine. J'ai pu avoir du temps que mon université me donne via un institut qui m'accueille, l'Institut universitaire de France, pour 5 ans pour développer un projet. Logique et médecine, à la fois bien sûr le moment historique, mais le moment thématique aujourd'hui. Et ces médecins étaient logiciens. Et donc ce qui est très intéressant dans l'art médical qu'ils ont développé, c'est que c'est un art médical totalement logicité. Qu'est-ce que je mange, moi, substance? À quel moment, le temps, où, le lieu? Et ça, c'est des catégories logiques. Je suis en relation avec qui? La proximité. Par exemple, Avicenne considérait que Il n'y a pas le médecin, le patient et la maladie. Il y a quatre termes. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a le médecin, le patient, la maladie et les proches du malade. Et les proches, c'est très important parce que ça fait varier complètement la malobservance des médicaments, c'est-à-dire je les suis ou je ne les suis pas. Un diabète, si je n'ai pas quelqu'un qui me rappelle l'insuline le matin, si je suis diabétique, voilà, par exemple, voyez les proches, il était très très. Alors, ça, c'est des structurations très très importantes. La structuration par la logique, la structuration par quatre paramètres et le canon de la vitesse, qu'on appelle le Hanoun, ça a été non pas tellement des nouvelles innovations médicales qu'une réorganisation de la connaissance médicale de telle manière que ça, ce caractère méthodique d'agencement de la connaissance a produit des innovations. On oublie combien les gains de méthode produisent des fruits scientifiques. Et donc, c'est surtout des gains de méthode chez ces médecins-là. À côté de ça, ils avaient une vision cardiocentrique intéressante, mais qui ne marche pas, entre guillemets, aujourd'hui, parce que c'est le cerveau qui est la connectivité maximale. Mais c'était intéressant parce qu'ils ont bloqué sur certains points. Aristote avait dit que le cœur était le centre. Et ils avaient un problème, d'ailleurs très intéressant médicalement. Du coup, le cœur doit gérer deux choses, comment le sang descend et comment le sang monte. Et comme vous savez, il y a un problème pour que le sang monte, comment le sang est dans le cerveau. Donc, ils s'étaient posé de bonnes questions à travers des doctrines qui, elles, sont faillibles. C'est pour ça, moi, je dis toujours, quand on me dit tout est dans le Coran, je dis non, parce que les sciences n'y sont pas. Et pourquoi elles n'y sont pas? C'est précisément pour respecter la parole divine, vu que les sciences sont falsifiables. Les sciences passent, le Coran reste. On change de théorie avec Galilée, on change de théorie avec Newton, on change de théorie avec Einstein. Il y a une falsifiabilité des sciences. Les sciences se révisent. Et la Bible, et l'Évangile, et le Coran, c'est une parole qui ne se révise pas, qui n'est pas soumis aux mêmes critères que la scientificité. C'est pourquoi c'est totalement absurde, selon moi, de dire que les sciences sont dans le Coran. Les sciences, pour protéger le Coran, il faut précisément dire qu'elles n'y sont pas. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, sur ce que vous appelez l'évolution contemporaine, en tous les cas, les changements rapides qui se font. Je suis d'accord avec vous, plus que jamais, nous avons besoin d'éthique médicale. Et nous avons besoin d'éthique médicale au Maroc, en France, ça s'est bien développé depuis 30 ans. La France a été le premier pays à constituer un comité consultatif national d'éthique après la naissance du premier bébé prophète en 1982, Amandine, qui mène maintenant à des enfants. Au Maroc, je pense qu'il y a une pression importante par les faits. Vous avez tous suivi le débat sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il faut une réflexion éthique structurée, un débat éthique comme celui que lance aujourd'hui ce lieu-là, le Piétrie. Pourquoi? Parce que c'est par le débat que s'éclusent les idées susceptibles de s'inscrire après dans les lois. Quand on dit l'éthique, ça sert à quoi? L'éthique, ça sert à faire pression par un débat qui, après, de manière mûre, arrive dans les lois. Et donc, bien évidemment, l'organisation d'abord des études médicales. C'est quand même un peu curieux que les vétérinaires fassent plus de philosophie que les médecins. Voilà, je m'arrête là. Oui. Merci. Allez, merci de vous donner le plaisir de partager avec vous ce moment délicieux. Je n'ai pas lu votre livre, mais vous avez avec moi, mais je vous ai écouté à la radio. Et pour dire que j'ai découvert, moi, ce Moyen-Âge et lumière médiévale, grâce au travail de Léo Strauss, que j'ai eu la possibilité juste de suivre en propane, et je voudrais partager avec vous deux de mes perspectives, pour reprendre un mot de l'époque. La première, c'est la difficulté que nous avons, sans doute, à rentrer dans ce monde médiéval, dans l'écriture de ce monde médiéval, avec des catégories, avec des schèmes qui sont ceux de la modernité. C'est extrêmement difficile. Et je vous remercie de cet exercice, je ne suis pas certain d'y être encore arrivé, c'est pourquoi c'est l'objet même de ma perspective. quand je dis avec les catégories de la modernité, je pense évidemment aux catégories post-cartésiennes. On a du mal, on a beaucoup de mal, d'où le problème précisément de cette dualité entre sagesse d'un côté et loi de l'autre, mais aussi la crampe dont vous avez parlé tout à l'heure entre foi et raison, qui est au cœur de la raison moderne, justement. Alors, ma première question, c'est précisément de nous dire, que vous puissiez nous partager avec nous la fécondité de cette période dans la réflexion sur cette tension entre la raison, la sagesse, d'accord, c'est un côté, et puis la loi divine. Il est difficile de comprendre comment on peut, à partir de ces lumières médiévales, voir les germes d'une forme d'individu qui va venir, qui va peut-être accéder, qui va advenir plutôt deux siècles plus tard, on a du mal à voir à partir de ces catégories-là, mais en même temps, je pense que c'est très très intéressant, parce que ça montre précisément que l'ensemble de ces penseurs ont travaillé dans leur temps, mais avec deux caractéristiques importantes, c'est que, comme vous le dites, l'intellect, il est d'abord divin, donc il y a une forme de rationalisme, mais qui n'est pas la raison moderne, donc rationalisme sans raison moderne. Donc il y a une déconnexion entre les deux, et là, c'est la première chose qu'on voit apparaître fortement, et qui est parfois troublante pour beaucoup d'entre nous. La deuxième chose importante, c'est quand même tout de même des penseurs qui ont beaucoup travaillé avec les califes de l'époque, dans une ambiance évidemment considérant qu'il n'y ait de loi que de loi divine, et qu'ils se sont efforcés de montrer qu'il n'y avait pas de contradiction entre d'un côté la sagesse et de l'autre la divine. Mais en même temps, ces gens-là, ces intellectuels, je ne sais pas si c'est des intellectuels, mais vous nous direz, étaient tout de même proches des califes. Et surtout, ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans leur manière d'écrire, il y avait un grand art consommé de la dissimulation et de l'expression indirecte. Quand on essaye de regarder, par exemple, le guide des égards et le guide des vertex, plutôt, de Maïmonide, comme lettre adressée à des individus qui n'existent pas en tant que tels, mais c'est extrêmement difficile d'y accéder au premier degré. Je veux dire, il faut vraiment faire un effort considérable pour pouvoir y être. Donc, il y a cette ère de la dissimulation qui reste très importante. Donc, ma question, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut parler de rationalisme anti-humaniste pour caractériser ces penseurs-là? Merci beaucoup. C'est une très belle question, très, très, très grande question. Très, très grande question. Oui, bien évidemment. La difficulté, vous l'avez bien ciblée, c'est comment nous, avec un regard post-cartésien, avec une raison humaine, à échelle humaine, on entre dans une étude qui nous dit que la raison n'est pas d'abord humaine, que l'intellect à l'acte n'est pas humain. Alors je vais dire, mais comment l'acte n'est pas... On est tellement formaté par l'humanisme des siècles de la Renaissance à aujourd'hui, on est tellement formaté par cet humanisme qu'on ne comprend plus cet intellect qui n'est pas à hauteur d'homme. Et pour les médiévaux, comme d'ailleurs pour Platon et Aristote, l'intellect c'est comme un élément, c'est comme l'air, c'est un élément et vous y entrez ou vous n'y entrez pas. Vous y êtes joint ou vous n'y êtes pas joint. Elle est céphalie. La notion de jonction est essentielle. La plupart du temps, on ne pense pas, pour les médiévaux, la plupart du temps, l'homme ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il est distrait, parce qu'il regarde la télévision, parce qu'il rigole, et parce qu'il dort, surtout parce qu'il dort, parce qu'il fantasme, il hallucine. Et donc, l'intellect est ce qui pense toujours. Comme l'intellect est ce qui pense toujours, et moi à de rares moments, moi, l'intellect n'est pas incarné en moi. Mais j'ai une partie noble en moi-même qui se connecte à cet intellect. Et plus je développe ces moments de connexion, plus je suis dans la félicité et le bonheur. Le bonheur se mesure à la manière que j'ai de m'inscrire dans un intellect indifférencié, partagé, trésor commun de pensée. Ça commence par la démonstration. C'est pourquoi le Borhan, Engel Borhan, c'était les gens qui étaient dévolus à une pensée au-delà de leur individu. Vous dites notre difficulté, parce que nous sommes dans des sociétés individualistes. Je ne dis pas que nous sommes individualistes. ce sont les sociétés qui le sont. Ça a été très bien développé par Tocqueville. Nous sommes des sociétés individualistes. Quand on traite quelqu'un d'individualiste, on se trompe. On veut peut-être dire qu'il est égoïste. C'est différent. L'égoïsme est un trait moral. L'individualisme est un trait de société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu est norme. Nous sommes normes. Ah, ouf. Je suis porteur de la liberté. Je suis porteur de l'égalité. Je suis porteur de la justice. Ça, ce sont les gains des sociétés individualistes. C'est pour ça que quand on dit que, oh là là, on est trop individualiste, je dis, de toute façon, on ne peut pas revenir par, en arrière. Le retour à l'état de nature est un... plus qu'à l'heure, j'essaie de me souvenir de la phrase de Rousseau, est un miracle si grand que seul Dieu peut le faire et le diable le vouloir. Et seul Dieu peut le faire et le diable le vouloir. Donc ce n'est pas souhaitable, diable le vouloir, et Dieu le faire, c'est impossible. C'est impossible, ce n'est pas souhaitable. Nous sommes dans une société de nature. Mais nous avons aujourd'hui maintenant aussi une distance prise avec le cartésianisme. C'est quoi? C'est l'intelligence scientifique distribuée, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelque chose, les informaticiens appellent ça l'IAD, l'intelligence artificielle distribuée. Et l'intelligence artificielle distribuée nous donne une idée d'une intelligence qui n'est pas proprement celle à hauteur humaine. Alors, votre question, il y avait plusieurs choses, il y avait aussi cette sagesse. Eh bien oui, on a d'autant plus parlé de sagesse qu'on n'a pas parlé d'humanisme. Et si vous voulez, le grand paradigme qui change avec la Renaissance, c'est qu'on va de moins en moins parler de sagesse et de plus en plus parler d'humanisme. Et je suis en train de travailler sur ce passage-là, le changement de paradigme qui est un changement énorme où précisément la sagesse laisse place à l'humanisme. Je vous remercie, votre question était, je pourrais continuer à commenter aussi sur la perplexité, sur la dissimulation. La dissimulation, permettez-moi juste une petite anecdote donnée par Al-Farabi commentant les lois de Platon, pour dire que lui-même va parler de la loi divine en commentant Platon, mais en fait il fait entendre un message d'une loi divine ouverte et non pas fermée sur une seule tradition pensée. Il cite un exemple de dissimulation. Un ascète apprend par un décret de son sultan qu'il est recherché partout et qu'il va falloir le trouver et lui trancher la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Pour sauver sa peau, il prend des habits de noceur et il enlève la morapa. Il prend une mandoline, il mime quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool et il circule dans la ville comme un meuble. Il arrive devant la porte des remparts de la ville. Le gardien lui dit « Qui es-tu ?» Il dit « Moi, je suis ce que tout le monde cherche. » Il dit « Oui, c'est ça, passe ton chemin. » Et voilà la dissimulation. Comment passer son chemin en se déguisant sans se trahir? C'est ça commenter les textes pour les philosophes. Pourquoi? Pourquoi, monsieur? Vous avez parlé tout à l'heure de la philosophie comparée comme instrument et comme démarche. Et on me fait penser à la démarche de Michel Onfray, de la contre-histoire de la philosophie, de la contre-histoire de la littérature. Lui, il a travaillé sur des philosophes anarchistes. Il a fait un travail considérable, un travail contre la philosophie constitutionnelle et la philosophie traditionnelle, etc. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans la même démarche? Non. Et je voulais vous poser une question concernant la philosophie arabe. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la philosophie arabe, parce que vous avez parlé de... Parce que la philosophie arabe, justement, a été occultée. Et politiquement parlant, est-ce qu'il y a une instrumentalisation? Et pourquoi finalement ce retard historique? Parce que la philosophie arabe n'a pas assez évolué. Comment vous expliquez justement ce retard-là? Et en ce qui concerne la traduction, parce que la plupart du temps, les philosophes disent que la langue arabe, elle est pleine de métaphysique Même la langue française, Derrida le dit dans l'écriture et la différence, pour que la philosophie même occidentale évolue, il faut que la langue française. Certains qui disent qu'il est la demi-métaphysique. Est-ce qu'on va bien faire un travail de déconstruction là-dessus pour donner un projet ou bien une vision très claire de... Merci beaucoup pour votre plusieurs questions. Monsieur Onfray et moi-même, nous ne faisons pas le même métier. Le retard historique de la philosophie arabe, non, il n'y a pas de retard. En revanche, le problème, ce n'est pas qu'il y a un retard historique, qu'elle n'a pas évolué, donc toujours ce mot que je conteste, il n'y a pas eu de, on va dire, de changement porteur qui fasse une émancipation et qu'on veuille travailler avec eux. C'est tout simple, et vous êtes un jeune homme, c'est le déficit éducatif. C'est-à-dire que dans nos sociétés, et là je parle des sociétés du Sud, le Maghreb notamment, il y a un déficit éducatif grave accumulé sur 40 ans. Je ne suis pas là pour gémir avec tout le monde, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais je pense que quand on nomme le mal, on peut mieux le combattre. Et il faut faire ce diagnostic. Et le diagnostic, c'est que nous avons un immense déficit éducatif qui fait qu'on n'a pas vivifié cette philosophie. Qu'on ne prend pas un tawhidi pour le lire, qu'on ne prend pas, ben voilà, on ne prend pas tawhidi, on prend Onfray. Voilà où nous en sommes. Et tawhidi, je vais vous citer Flaubert, lisez une heure les classiques par jour, vous avez votre vie transformée. Les classiques, pas Onfray, tawhidi, Farabi, Descartes, Pascal, Nietzsche, ce que vous avez signalé, monsieur Chlapi. Donc, le déficit éducatif, vous allez me dire comment remédier au déficit éducatif. Il faut une volonté politique très ferme. Mahmoud, quand il a, en 1833, mis beaucoup d'argent dans la traduction, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique claire. Il faut, vous savez, je vais vous citer le Japon, fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, ce qu'on appelle l'ère Meiji, le Japon n'est pas encore développé. Et il y a le premier ministre japonais qui prend la parole. Il dit, ce qui nous sépare des peuples européens, à l'époque surtout la France, grand empire, le Royaume-Uni, grand empire, les États-Unis en plein boom, eh bien, qu'est-ce qui nous sépare des Américains, des Anglais, des Français? Un peu plus, un peu moins d'éducation. C'est tout. C'est tout. Éducation au sens de l'instruction. Et ils se sont mis à éduquer, mais jour et nuit, dans les garages, dans les lieux, partout. En 1913, ça prend 20 ans, le Japon publiait plus d'ouvrages que le Royaume-Uni et que les États-Unis, tout en n'étant pas aussi riche qu'eux. On peut développer l'éducation sans être très riche. Parce que l'éducation, c'est ce qui émancipe chacun. Et ne pas éduquer, je le dis toujours, c'est un crime contre l'humanité. Je veux parler tout à l'heure de la vérité. Est-ce qu'on peut dire que la vérité n'a pas d'histoire? Est-ce qu'on peut faire une généalogie aussi de la vérité? Et nous parlons de la philosophie, de la relation avec la philosophie arabe. Je pense que vous savez mieux que moi que la philosophie parle grec. Et ne parle que grec. Et tout ce qui a été traduit par la suite, il a été plus ou moins falsifié. Parce que la traduction, pour toujours, est une trahison. Mais je voudrais poser la question.